Vous écoutez Future Sam sur les belles ondes de CKRL au 89.1 et nous allons maintenant faire un voyage dans le temps. Notre chroniqueuse Marie-Claude Dionne nous transporte 5000 ans en arrière, en Autriche, à la rencontre d'Otzi. C'est le nom d'une momie qui a été découverte dans la glace et malgré son âge, les archéologues ont réussi à la faire parler. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors, suite à une excellente question que tu m'as posée la dernière chronique à propos des effets des glaces pour la préservation des vestiges archéologiques, je me suis intéressée et penchée sur le sujet. Et, belle coïncidence, un article paru il y a quelques semaines parle d'une découverte archéologique récente faite près d'un glacier. Il s'agit d'une tunique de laine pré-viking qui a été trouvée à côté d'un glacier en fonte au sud de la Norvège. Et les analyses au carbone 14 permettant de dater le tissu nous ont donné une date de confection d'environ 300 ans après Jésus-Christ. Okay. Parmi les autres découvertes, et on en compte 1600 ce jour, on trouve aussi une mitaine viking datée de l'an 800, une canne ornée et des arcs antiques. Ces trouvailles sont dues au dégel accéléré des glaciers en Norvège depuis 2006. Cela démontre bien comment le réchauffement climatique se révèle être une aubaine pour l'archéologie et les archéologues. D'ailleurs, on peut facilement croire que ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg en ce qui concerne les autres découvertes archéologiques. Mm-hmm. Et une autre belle découverte en archéologie dans les mêmes conditions, et c'est celle-ci, comme tu dis, va faire partie de ma chronique, c'est celle de la momie Otzi. OK. Alors, est-ce que tu veux nous présenter Otzi? Alors, Otzi est la momie bien préservée d'un homme qui a vécu il y a environ 5000 ans. La momie a été trouvée en septembre 1991 dans les Alpes de l'Otsal, mm-hmm. d'où son nom, Otzi. Et pour mieux situer la localisation de ces Alpes de l'Otsal, elle s'élève entre l'Autriche, le Tyrol et l'Italie, dans la province de Bolzano. Mm-hmm. Et Otzi fut longtemps la momie naturelle la plus vieille retrouvée, mais récemment, le titre va à une autre momie naturelle qui s'appelle Rosalia, qui a été trouvée en Amérique du Sud. Mais n'empêche que pour Otzi, il a offert une vue sans précédent sur les Européens de la période chalcolithique. Et qu'est-ce que tu entends par momie naturelle? En fait, par momie naturelle, j'en parle en comparaison des autres momies, entre autres égyptiennes, qui ont été préservées par des techniques humaines. Okay. Alors que dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. Là. Exactement. Okay. C'est naturel. Elles ont été préservées par des conditions environnementales spécifiques. Okay. Dans le cas présent de la momie Otzi, on parle de conditions de froid extrême. Mais on va trouver d'autres types de momies. On va trouver des corps momifiés dans des conditions acides. Okay. Comme c'est un peu étonnant, ça, parce que les conditions acides, on a l'impression que ça pourrait favoriser la décomposition. Il faut vraiment des conditions précises avec un taux. Probablement un pH très précis. Exactement. Aussi, que je ne pourrais pas vous dire exactement quel est le numéro. Sûrement pas très, très acide. Oui. Exact. Et donc, on retrouve l'homme de Tolund, qui est un homme qui a vécu au 4e siècle au Danemark. Il est aussi dans des conditions salines. Comme l'homme de sel, il a été découvert en Iran dans une mine de sel à Sherabad. Il y a aussi des conditions d'extrême sécheresse. Uh-huh. On peut penser aux momies du Tarim. C'est une série de momies qui a été trouvée dans le bassin occidental de la Chine, le bassin du Tarim, qui sont de type européen ou caucasien, là, qui sont datés d'environ 2000, à peu près le deuxième et premier millénaire avant Jésus-Christ. Et finalement, il y a les hommes de tourbière. On peut penser à la jeune fille d'Ide, qui elle a été trouvée dans un petit village d'Ide dans les marais de Bourtange aux Pays-Bas. OK. Marie-Claude, tout à l'heure, tu as prononcé le mot, la période chalcolithique. Qu'est-ce que c'est le chalcolithique? En fait, c'est tout simple, c'est l'âge du cuivre. Hein. Le nom chalcolithique provient, ça veut dire cuivre. Cuivre. Et en fait, c'est une période qui est transitoire entre le néolithique et l'âge du bronze. Et en plus, c'est plutôt une pseudo-période. Elle n'est pas officielle dans les catégories pour les archéologues. Okay. Elle est nommée par John Evans, un archéologue anglais de la fin du 19e siècle, et qui s'aperçut que l'utilisation du cuivre précédait souvent celle du bronze dans plusieurs des civilisations pour la fabrication des outils et des armes. Il décida alors de séparer l'âge du bronze en deux, qui regroupait jusque-là les deux métaux. Et comment est-ce qu'on a trouvé cette momie Otzi? En fait, il s'agit d'une découverte a priori non archéologique. La découverte fortuite de la momie a été faite par deux touristes allemands en 91. Des touristes. Exact. Et on a alors pensé que c'était un corps d'alpiniste qui était mort récemment. Oui, oui. Mais en fait, le corps était pris dans la glace et elle est restée là longtemps. Il y a plusieurs gens qui sont venus voir et ils ont tenté même de dégager le corps. Et ça a juste résulté à abîmer le corps. Après quelques jours, finalement, le cadavre a été rapatrié par les autorités scientifiques et c'est là qu'elle a été largement étudiée, mesurée, radiographiée et datée. Et on sait que l'homme mesurait environ 5 pieds 5, okay. pesait 110 livres et était âgé de 45 ans. OK, on a pu déterminer ça. Oui. Exact. Là, les merveilles, l'archéologie font qu'on connaît même l'endroit approximatif où il a passé son enfance. C'est près d'un village aujourd'hui dans le nord de l'Italie qui s'appelle Feltorno. Et ceci fut possible avec les isotopes stables. Il faut savoir que certaines analyses très poussées, très approfondies, nous en disent long sur de multiples sujets, comme le font d'ailleurs les isotopes stables. En fait, les isotopes stables, en fait, il faudrait peut-être que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est et quel type d'analyse, en fait, ils permettent de faire. Bien, en fait, sans entrer dans les détails que je maîtrise pas parfaitement. C'est une analyse qui va utiliser les isotopes stables comme le carbone 12 et le carbone 13, qui, eux, se retrouvent partout dans la nature. OK. Si je comprends bien, les isotopes stables ne se décomposent pas comme le carbone 14. Exactement. OK, d'accord. C'est vraiment des carbones qui restent avec leur taux fixe okay. tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on les appelle stables. Exactement. Et donc, c'est des isotopes qu'on va trouver dans les matières organiques qui vont permettre... permettre de dire des lieux spécifiques, l'endroit géographique et aussi nous donner des nouveaux trophiques dans la chaîne alimentaire. Donc, on va analyser la matière organique comme l'émail des dents, les cheveux, les ossements qui vont conserver les ratios de ces éléments-là. Uh-huh. Le taux d'isotope dans la matière organique nous aide alors à déterminer la diète des humains et les sources d'eau qui sont utilisées. Et là, il y a d'autres analyses qui ont été entreprises sur Audi. Les chercheurs ont regardé le contenu de son estomac, ce qui a permis de révéler ce qu'il avait mangé et même à quel endroit. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment super le fun. L'analyse de l'estomac a permis de voir qu'il y avait deux repas. Donc, il y en avait un, le dernier avait été consommé environ 8 heures avant la mort de Oti, et un des deux repas contenait de la viande de chamois, et l'autre du cerf rouge et un pain aux herbes. C'est incroyable. Tous deux étaient mangés avec des graines, des fruits aussi, et des racines. En plus, le pollen qu'on a retrouvé permet de dire que le premier repas avait été consommé dans une forêt de conifères en haute altitude. OK. Donc, on est capable de voir les allées et venues de l'homme. Oui, de ti. C'est vraiment super intéressant. Et en plus, c'est pas tout. Le pollen qu'on a retrouvé indique la présence de blé et aussi de légumineuses qui pourraient provenir d'une culture domestiquée. Fait qu'on retrace en plus la domestication des plantes avec Oti. Mm-hmm. D'ailleurs, le pollen qui a été retrouvé est très bien conservé avec des cellules qui sont intactes. Et ceci indique que ces grains de pollen-là étaient tout nouveaux lors de la mort de Oti, ce qui place l'événement au début du printemps. Et on a trouvé d'autres choses extraordinaires aussi. Mais j'avoue que c'est déjà très impressionnant tout ce qu'on peut déduire, en fait, à partir du contenu d'un estomac. Tout à fait. Est-ce qu'on a appris quelque chose sur le mode de vie d'Oti? On a identifié des niveaux élevés de particules de cuivre et d'arsenic dans les cheveux de la momie. Ceci, en plus la présence d'une hache qui est en cuir pur, a conduit les scientifiques à spéculer qu'Oti avait été impliqué dans le travail de ce métal. Okay. On a appris aussi en regardant la physionomie d'Oti, comme la proportion des tibias, des fémurs et du bassin, que le mode de vie de l'homme consistait à de longues promenades sur des terrains accidentés, donc des terrains montagneux. Cette mobilité n'est certainement pas caractéristique, par exemple, des autres Européens de l'âge du cuivre. Les archéologues ont leur proposé que Oti fut un berger en haute altitude. Après tout, un de ses derniers repas était bel et bien dans ce type d'environnement. Aussi, les vestiges matériels, les vestiges archéologiques qu'on retrouve près du corps soutiennent cette idée. On a trouvé des flèches en bois de noisetier, un carquois en peau d'animal, un petit couteau de silex, ainsi qu'une poche contenant un grattoir et un poinçon en silex, qui concordent vraiment bien avec l'outillage d'une économie pastorale. Tout un équipement, mais tu nous as parlé des objets trouvés, de l'estomac, de la proportion des os, mais pas de l'aspect visuel de la momie. En fait, ses cheveux, sa peau, ses dents. Alors, quelle est la première chose qu'on doit voir? Est-ce qu'il n'y a rien à tirer? Ou... Ben, en fait, la momie, on la voit très bien, mais elle n'a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux qui a vraiment resté. Les dents ont resté parce qu'on a pu faire des analyses isotopiques avec ça. Mais ce qu'on voit sur le corps, on voit super bien la peau, un peu qui a un sentiment de cuir dessus. Et on a retrouvé sur la peau des tatouages. Des tatouages. Et c'est les tatouages qui marquent vraiment l'imaginaire de plusieurs. Certains archéologues sont vraiment très intéressés à ça. Et Oti avait des tatouages de peau de charbon végétal qui comprennent plusieurs groupes de courtes et parallèles lignes verticales. Elles marquent les deux côtés de la colonne vertébrale longue. Les chevilles et le genou droit. Ces tatouages sont placés à quelques millimètres près de points d'acupuncture qu'on connaît aujourd'hui. Il est probable que la civilisation associée à Oti pratiquait le tatouage thérapeutique. Okay. Ce qui est surprenant parce que cette pratique-là devient courante, mais plus tard en Eurasie. Et aussi, ce qui nous permet d'insinuer une telle pratique, et non pas seulement l'utilisation de tatouages esthétiques comme on la connaît aujourd'hui, c'est avec l'analyse des os. L'examen radiologique a montré une dégénérescence des os conditionnée par la contrainte de la topographie des lieux. Donc, on voit une grande usure du genou droit et de l'articulation de la cheville, ainsi qu'une spondylarthropathie qui affecte la colonne vertébrale. Et finalement, est-ce qu'on sait quelque chose un peu de sa mort? Comment il est mort? Est-ce qu'on peut le déduire, ça, rapidement? On se repose sur un lot de spéculations. Oui. Donc, au début, on croyait qu'il était peut-être mort avec l'exposition à un hiver rigoureux. Uh-huh. Mais en fait, on a su qu'en fait, il est mort pendant le printemps. Donc, ce n'est pas une bonne théorie. Plus tard, les analyses ont permis de révéler qu'il y avait une pointe de flèche qui était logée dans son épaule gauche. En plus, ça correspondait à une déchirure qu'on avait dans le manteau de Oti. Donc, peut-être qu'il était mort au bout de son sang. Uh-huh. Un examen attentif du corps a aussi révélé des blessures et des ecchymoses. Il y en avait aux mains, aux poignets et à la poitrine, en plus d'un coup à la tête. Donc, il était vraiment en très mauvaise posture lors de sa mort. Mais aujourd'hui, on peut voir la momie dans le confort de chez soi. L'European Academy of Bolzano a mis en ligne les photos du corps d'Oti, qui est vraiment très impressionnant à regarder. Et au final, on voit bien que la magie de l'archéologie opère incroyablement bien avec Oti. Même si la discipline peut nous laisser quelques intrigues, elle est tout aussi capable de nous en dire long. Ici, avec Oti, elle nous offre une belle fenêtre sur une époque très peu connue. Oui, c'est fascinant de voir en fait ce que les archéologues parviennent à déduire de l'analyse de cette momie et des vestiges archéologiques de façon plus générale. Alors, merci Marie-Claude. Merci, c'était François. Vraiment très intéressant. Alors, on va faire maintenant une pause publicitaire sur CKRL au 89.1, mais restez avec nous car au retour, on vous explique comment on fabrique des cellules souches totipotentes induites.